On trouve l'expression dans presque tous les dossiers de corruption ou de financement occulte des partis politiques, les fausses factures. C'est par elles, ou grâce à elles, que passent les valises bourrées de billets, les pots de vin des marchands d'armes, les commissions obligées des grands des travaux publics lorsqu'ils veulent emporter un marché. Et puis il y a aussi les ABS, les fameux abus de biens sociaux. Quand je l'ai rencontré ce soir-là, pardonnez-moi l'expression, mais M. X avait l'air de se moquer du monde, oui, un curieux sourire, surtout quand il m'a demandé à brûle-pourpoint « Savez-vous qui a inventé la fausse facture ?» Et devant mon ignorance, il a ajouté « Vous connaissez forcément son nom, c'était un drôle de type, un génie dans son genre. » Je ne vais pas vous faire languir. Ce génie, pour reprendre l'expression de M. X, c'était un chiffonnier, mais un chiffonnier millionnaire, ou peut-être même milliardaire. Un petit bonhomme, gros et laid, toujours mal fagoté, qui parlait le français avec un accent impossible. On l'appelait familièrement Joanneau ou Monsieur Jo, mais son vrai patronyme, c'était Joanovici, Joseph Joanovici. Et son histoire, celle qu'on peut connaître en tout cas, est tout simplement extravagante. Nous allons y venir. Mais ce qui est encore plus étonnant, si l'on suit bien Monsieur X, c'est que cette vie hors du commun dissimulait un secret considérable. Mais avant d'écouter M. X, voyons brièvement ce que nous savons des débuts de Joseph Joanovici. Il est né en 1902 en Bessarabie, un petit pays aux confins de la Roumanie et de l'ex-empire soviétique, une province tantôt roumaine, tantôt russe, qu'on n'a jamais cessé de se disputer, une terre d'invasion et de pogrom. Or, la famille de Joanovici est juive et très vite, le jeune Joseph rêve de fuir ce pays de persécution. La liberté, c'est à l'ouest. La France, une terre d'asile où les juifs ne savent pas ce qu'est un pogrom. Joanovici arrive chez nous à la fin de la Grande Guerre. Il se fixe à Clichy. Il ne possède rien. Il n'a qu'une petite expérience de plombier. Mais il a une fantastique envie de réussir. La légende veut qu'il ait commencé en tirant une petite charrette à bras dans les rues de Clichy. Oui, Joanovici est chiffonnier, biffin, comme on disait à l'époque. 10 ans plus tard, il emploie 20 ouvriers et son entreprise de récupération de métaux utilise 5 camions. Encore 10 ans et M. Jo est un millionnaire. Mais la guerre arrive, Joanovici, qui est juif, peut craindre le pire. Or, au contraire, c'est pendant cette période que le fabuleux Joanovici va donner toute sa mesure. Mais nous allons en parler longuement avec M. X. Comment expliquer cette réussite singulière? Est-ce là le secret de la vie de Joanovici? Nous allons voir que pour M. X, dès cette époque, certains indices permettent de penser que Joanovici dissimulait une activité parallèle. Mais Joanneau ne dissimulait-il pas en permanence? Ne s'était-il pas construit ce personnage fruste, illettré, grossier, que pour mieux tromper son monde? Sinon, comment expliquer que cet homme qui a construit une fortune colossale prétendait ne pas savoir compter? Il avait, paraît-il, inventé un système de calcul à lui. Dans ses livres de compte, un dessin de semelle de chaussures signifiait 100 000 francs, un dessin de souliers 1 million, un dessin de bottes 10 millions. Non, vraiment, ça ne me semble pas très sérieux. Et c'est aussi l'opinion de M. X que nous retrouvons dans un instant. Again, miracles will happen as we dream. Rendez-vous avec X sur France Inter en compagnie de Patrick Pénaud. Bon, une question d'abord à laquelle vous vous attendez. Avez-vous connu Joanneau Vissy ? Qui n'a pas connu Joanneau ? Ce type était partout. Il avait des relations dans tous les milieux. À droite, à gauche, chez les résistants, chez les collabos, chez les communistes, chez les vichysois. Un bonhomme indispensable parce qu'il arrosait tout le monde. Vous voulez dire qu'il achetait des complicités ? Bien sûr, encore qu'à l'occasion, Joanneau Vissy était capable de très beaux gestes, hein, des gestes gratuits, des gestes de pure générosité. D'accord, mais enfin, vous avez dit pour commencer que Joanneau Vissy était l'inventeur, hein, l'inventeur de la fausse facture. Exact. Le premier, il avait monté une myriade de sociétés qui commerçaient les unes avec les autres. Au centre de la toile d'araignée, il y avait un inspecteur des impôts qui signait de faux bons à l'exportation. Des bons pour des exportations fictives, vous comprenez, et qui donnaient lieu à l'établissement de fausses factures. Ça permettait aux sociétés de M. Jau non seulement de récupérer des taxes, mais de revendre les fausses factures à d'autres sociétés sœurs. Un système assez compliqué, mais qui rapportait des sommes considérables. Et puis n'oubliez pas que la première profession de Joanneau Vissy, c'était ferrailleur. Or, dans quel milieu on trouvera les premières fausses factures dans les années 60 et 70 ? Chez les ferrailleurs, justement, ceux qu'on appellera les carambouilleurs. Je vous assure, M. Jau était un pionnier. Dans son genre, un pionnier. Bon, alors, deuxième question. Vous avez laissé entendre que la vie de Joanneau Vissy cachait un secret. Oui, je suis formel. Ouais. Et comment l'avez-vous appris ? Oh, c'est une longue histoire. Mais ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est la façon dont il a obtenu la citoyenneté russe. Russe, mais au départ, attendez, quelle était sa véritable nationalité ? Écoutez, quand il arrive en France, Joanneau Vissy est un citoyen de l'URSS. Mais en 1940, son pays, la Bessarabie, devient roumain. Et le voilà donc roumain. Mais en France, les Allemands arrivent. Joanneau Vissy se dit qu'après le pacte germano-soviétique, la nationalité qu'il protégerait le plus sûrement, c'est sa nationalité d'origine. N'oubliez pas qu'il est juif. Et qu'il est toujours hanté par les pogroms de son enfance, d'où son père et sa mère ont trouvé la mort. Donc, il file à l'ambassade du RSS. Ouais. Mais c'est aussi simple que ça ? Enfin, dans la tête de Joanneau Vissy, oui. D'accord, mais dans la tête des fonctionnaires de l'ambassade ? Bon, alors là, il se passe quelque chose de stupéfiant. Joanneau Vissy obtient très vite la nationalité soviétique, mais alors très très vite. Donc pour vous, ça a une signification ? Ben, naturellement, mais enfin, attendez, c'est pas fini. Soudain, c'est l'opération Barbarossa. Barbarossa, il faut le rappeler pour les auditeurs, hein, c'est l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'URSS. Oui, c'est ça, oui. Et d'un seul coup, Joanneau Vissy se dit que c'est maintenant très dangereux d'être soviétique, d'autant que la Roumanie est maintenant devenue une alliée du Troisième Reich. Alors Joanneau Vissy, accompagné d'un ami de la préfecture de police, court chez le consul de Roumanie, et aussitôt il redevient roumain. Ça me paraît quand même pas très vraisemblable, pardonnez-moi. Dans la vie de Joanneau, je crois que rien n'est tout à fait vraisemblable. Enfin, il me semble que je l'entends encore plaider sa cause avec son bagou, son accent inimitable. Si j'étais soviétique, c'était malgré moi, à contre-cœur. En fait, j'ai toujours été roumain. Et puis, il a dû sortir quelques gros billets de sa poche, et voilà. Il paraît même, alors là, je n'ai aucune certitude, que Joanneau Vissy a pu obtenir une attestation attestant qu'il était arien. Très fort, non ? Ouais, peut-être, oui. Enfin, je vous demande à nouveau, mais que signifient ces allers-retours de nationalité ? Eh bien, j'ai eu du mal à comprendre, pourquoi ne pas l'avouer. Mais quand j'ai appris que c'était un décret du Conseil suprême de l'URSS qui lui avait accordé la citoyenneté soviétique, je me suis dit que M. Jau n'était vraiment pas n'importe qui. Manon. Manon. Non. Tu ne sais sûrement pas, Manon. À quel point je hais ce que tu es, sinon Manon. Il me faut aimer avec un autre. Je le sais, Manon. Cruelle Manon. Manon. Manon. Non, tu ne sauras jamais. Avec M. X, nous allons bien sûr revenir sur cette étonnante question de la citoyenneté soviétique de Joanovici. Mais auparavant, pour mieux connaître le personnage, je vous propose une description. Je l'ai trouvée dans un livre d'Henri Sergue, publié aux éditions du Carousel. Autant vous prévenir, ce portrait sent la malveillance, sinon l'antisémitisme. Mais il a sans doute le mérite d'avoir la couleur de l'époque. Je cite Sergue, qui évoque Joanovici lorsqu'il devient un important chef d'entreprise. Son français s'est très légèrement amélioré, mais son sabir demeure effrayant. Il réinvente la syntaxe, supprime les articles, massacre la conjugaison, dynamite la construction des phrases. On croirait un matelot levantin en goguette dans le bousbir de Casablanca. Physiquement, il s'est épaissi, sa taille s'arrondit, le cou gonfle, les joues bouffissent. Sur le plan sexuel, il affectionne les prostituées, mais, toujours méfiant, utilise des préservatifs. Ses amis arméniens l'ont emmené chez un compatriote, un tailleur. Joanovici a haussé les épaules. Il se contentera de la confection. À cette époque, il se montre avaricieux, pas de folles dépenses, pas d'inconséquences. D'abord, creuser son trou. Ailleurs, on parlera de ses mains sales et moites, de sa peau toujours grasse. Bref, une caricature comme on en trouvait dans les journaux de la collaboration et aussi, malheureusement, dans des hebdomadaires dits nationaux, tout à fait actuels. Mais passons et revenons à mon entretien avec M. X. Si je vous ai bien compris, vous soupçonnez Joanovici d'avoir entretenu des liens très spéciaux avec les Soviétiques. Et c'est d'autant plus surprenant que ce qui reste aujourd'hui de Joanovici, de son image, c'est plutôt tous ces trafics avec les Allemands. Oui, vous avez raison. Enfin, nous allons y venir. Admettez quand même que si les plus hautes autorités de l'URSS ont jugé bon de lui octroyer la nationalité soviétique, c'est que le bonhomme était utile. Utile aux Russes. Incontestablement. Ouais. Il me semble quand même que vous avez tendance à avoir des espions partout. Hein. Attention, je ne vous ai pas dit que c'était un espion, comme on l'entend d'habitude, mais un agent, oui, certainement. Et un pion indispensable. Un homme du Comintern, un informateur de premier plan, un type qui pouvait rendre n'importe quel service. Oui, mais enfin, vous avez des preuves? Elles ne manquent pas, oui. Je les ai trouvées après la guerre dans les dossiers confidentiels de la DST. Il y a d'abord le rôle de Joanovici dans la fameuse compagnie France Navigation. Oui, ça je connais, c'était la compagnie créée par les communistes pour ravitailler les républicains espagnols. Exactement. Plus d'une vingtaine de navires, avec beaucoup, beaucoup d'argent. Une très belle organisation. Malheureusement... Malheureusement, pourquoi? Malheureusement, Staline a fait en sorte de saboter l'aide aux républicains espagnols. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Et vous avez dit que Joanovici a joué un rôle au sein de cette malheureuse compagnie. Oui, Joanovici en était l'un des fournisseurs. Peut-être même l'un de ses dirigeants clandestins. Et d'un seul coup, n'est-ce pas, l'image du personnage change et prend une autre dimension. Il est loin. Le chiffonnier crasseux, l'illettré, le rustre multimillionnaire qui sait à peine compter. En fait, et j'en suis sûr, Joanovici donnait le change. Il jouait un rôle, il amusait la galerie. Mmh. Et selon vous, il était donc forcément en relation avec la direction du PC, du PC non. français? Non, pas avec les dirigeants officiels, mais avec les dirigeants officieux, oui. Surtout avec un homme très mystérieux qui n'est jamais apparu dans l'organigramme du PC. mais qui a pourtant été l'un de ses dirigeants les plus influents. Je veux parler de Jean Jérôme, le financier occulte des communistes. C'est un juif d'origine polonaise, un type très discret, mais une véritable puissance à l'intérieur de l'appareil. Or, je l'affirme, ses liens avec Johannovici étaient tellement étroits que c'est le chiffonnier milliardaire qui a sauvé Jérôme après que celui-ci a été arrêté par la Gestapo. Oui, admettons. Mais quand même, je vous le répète, Johannovici est surtout connu pour avoir été l'un des plus grands trafiquants de l'occupation. Je vous le concède, mais interrogez-vous, pourquoi Johannovici n'aurait-il pas fricoté avec les nazis, sur ordre ? Ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux. Mais trompez-vous, et puis voyons dans le détail ce qui a été l'activité de M. Joux pendant cette période dramatique. Dès que les nazis sont en France, M. Joux, un des plus importants récupérateurs de métaux du pays, devient le fournisseur attitré des bureaux d'achat allemands, ce qu'on a appelé l'organisation Otto. Mmh. Et il vend des métaux, des machines, aussi des chaussures, des textiles, enfin bref, tout ce qui avait une valeur. Ouais. Donc, Johannovici a participé, qu'on le veuille ou non, il a participé à l'effort de guerre allemand. C'est certain. Ouais. Bah, ça semble tout de même curieux pour un type qui aurait fait partie du Comintern, et puis un juif, de surcroît. Juif, oui. Mais les Allemands s'en fichent. Ce qui compte pour eux, c'est que Johannovici sait comme personne leur fournir ce dont ils ont besoin. Alors, juif ou pas juif, hein, puisqu'il était indispensable. Et puis d'accord, Johannov fait du commerce avec les nazis, donc il les aide. Mais en même temps, à force de les fréquenter et de leur graisser la patte lorsqu'il faut, il devient un complice, un homme à qui on peut se confier. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Donc il peut leur soutirer les informations. Oui, mais des informations capitales, très précieuses. Et des informations qu'il transmet à qui et comment ? Bon, ça, c'est pas très compliqué. Monsieur Joux voyage beaucoup. Oui, il a toutes les facilités pour passer les frontières. Et lorsqu'il va en Suisse, par exemple, apparemment pour y placer ses gains, il ne manque pas de rencontrer des amis à lui. Des agents soviétiques ? Bien évidemment. Je vous rappelle qu'il existait une branche importante de l'Orchestre Rouge en Suisse. Ouais. Je veux bien essayer de vous croire. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que Johannovici était tout simplement un agent double et qu'il dupait donc les uns et les autres ? C'est vrai qu'on pouvait se poser la question. Mais enfin, tenez, moi, je vais même aller plus loin que vous. À un moment, j'ai même soupçonné qu'il avait carrément changé de camp. Et pourquoi ? Quand j'ai appris que M. Joux venait de s'acoquiner avec les tortionnaires de la Carlingue, alors là, vraiment, j'ai commencé sérieusement à en douter. Je vois tes silences, j'encaisse lentement. Je vois tes extravagances et descends doucement. Et je vois tes paroles et refais le monde. Tes paroles et refais le monde dans un verre, mais qui tourne la terre. Et témoindre faiblesse. cette promesse en poussière. Mais dis-moi, de quoi j'ai l'air? France Inter, Patrick Penaud, Rendez-vous avec X. La carlingue dont vient de parler M. X, c'était la trop célèbre Gestapo française, la bande de Bonny et Lafont, mais nous allons y revenir. Sur les affaires de Joinovici, j'ai consulté l'ouvrage d'un spécialiste, un ancien policier, Jacques Delarue. Dans un livre paru chez Fayard, Trafic et crimes sous l'occupation, Delarue explique bien le système, je le cite. Des intermédiaires, Joinovici fut cela, et parmi les plus importants, achetaient eux-mêmes la marchandise et la revendaient le même jour ou le lendemain au bureau Otto, en prenant au passage évidemment une forte commission. Otto était d'ailleurs souvent à compte admis dans le super bénéfice de l'acheteur. Le destinateur final de l'opération, l'administration allemande, ne s'intéressait pas à ces détails négligeables. Tout cela n'était-il pas finalement payé par les Français eux-mêmes? Le pactole qui coulait quotidiennement dans les caisses des autorités d'occupation en était à peine diminué. La seule chose vraiment importante était d'obtenir des marchandises à n'importe quel prix. Je rappelle en effet que, selon les clauses de l'armistice, ces fournitures étaient payées grâce aux indemnisations dues par Vichy aux troupes d'occupation allemandes. Mais retrouvons M. X. La carlingue, les salauds de la rue Lauriston. Il n'y avait pas pire à l'époque. Même les agents de la Gestapo avaient moins de sang sur les mains. Alors, qu'allait faire le juif Joinovici chez ces types-là? Car il copine avec eux, c'est même stupéfiant. Mais comment il est rentré en contact avec Bonny et Lafont? Vous savez, quand il y a de l'or, les truands ne sont jamais loin. Mais enfin, plus sérieusement, je crois que c'est M. Jo qui a pris l'initiative d'aller les voir. Pourquoi? Parce qu'il lui faisait des ennuis, des jaloux. Si... Des jaloux, des concurrents. C'est ça. Joinovici gagnait tellement d'argent. À force, ça fait naître des convoitises. Et puis, bon, il faut bien dire que M. Jo était dur en affaires et qu'il n'hésitait jamais à marcher sur les plates-bandes des voisins. Il y avait un type en particulier qui lui cherchait les poux dans la tête. Un certain Skolnikov. Mais je vous raconterai son histoire un jour. C'est une histoire assez passionnante. C'était un homme qui, grâce à ses trafics avec les Allemands, avait quand même réussi à acheter les plus grands hôtels de Paris et de la Côte d'Azur. Enfin, bref. Donc, ce Skolnikov, entre autres, veut faire des misères à Joinovici. Et celui-ci va voir Lafont afin de lui demander, tout simplement, contre monnaie sonnante et trébuchante, une protection. Des hommes de main, quoi. Oui. Et Lafont ne lui donne pas n'importe qui, puisque les hommes qui vont être un temps chargés de protéger Joinovici s'appellent Pierre Loutrel. Pierre Loutrel, c'est Pierre le Fou. Oui, ouais, ouais. Exact. Ouais. Et le deuxième, c'est Georges Bouche-Sèche. Ah, ça, c'est un des truands de l'affaire Ben Barka. Oui, vous voyez que le monde de la truanderie est tout petit. En tout cas, c'est ainsi que Joinovici commence à fréquenter la carlingue, comme on disait à l'époque, et qu'il participe à tout leur cher trafic et grand trafic. Bon, l'essentiel, je vous le rappelle quand même, était de dépouiller les juifs fortunés. Alors vous avouerez qu'on pouvait se poser des questions. Mais si l'on se situe dans le cadre de votre hypothèse, Joinovici, agent du Comintern, quel aurait pu être l'intérêt de Joinovici à fréquenter ces crapules? Apparemment aucun, sauf que... Et ça, c'est étonnant. Sauf que Joinovici pouvait aider des résistants arrêtés par la bande de la rue Lauriston. Et il semble qu'une fois, au moins, Joinovici ait essayé, et en faveur d'une personne importante, puisqu'il s'agissait de la propre sœur du général de Gaulle, Geneviève. Il a réussi? Non. Non, puisque Geneviève de Gaulle n'a pas été libérée, comme vous le savez. Mais il y avait autre chose, et c'est encore plus machiavélique. Gestapiste le jour, Joinovici pouvait être plus facilement résistant la nuit, vous me comprenez? Oui, enfin, c'est un peu compliqué, parce qu'il a été aussi résistant. Oui, aussi incroyable que cela paraisse. Et ce bonhomme qui était mouillé jusqu'au cou avec les nazis s'est même offert un réseau de résistance. Quand vous dites qu'il s'est offert... Quand on a de l'argent, beaucoup d'argent, tout est possible. Non? Mais quand même, un réseau de résistance, ça ne s'achète pas. Alors, détrompez-vous. Un mouvement de résistance, ça a besoin d'argent, ça a besoin d'armes. Et puis le hasard sert Joinovici. En 1943, il apprend que ses amis de la rue Lauriston viennent de démanteler un modeste réseau qui s'appelle Honneur de la police. Réseau qui est dirigé par un commissaire de la préfecture. Seuls deux hommes, deux simples flics, échappent à la rafle. Joinovici est bien placé pour apprendre leur nom et il les contacte discrètement. C'est ainsi qu'il devient le financier du réseau de résistance Honneur de la Police, un réseau qui soudain se trouve supérieurement armé et dont les hommes peuvent circuler dans des voitures achetées par M. Joux, pourvues d'Ausweis, également fournies par ce bon M. Joux. Et personne ne suspectera à Joinville-Vissy de se trouver derrière ce réseau? Non, jusqu'à la libération. Mais si l'on regarde les choses cyniquement, on peut simplement se dire que Joinville-Vissy, en faisant de la résistance, après s'être autant mouillé avec les Allemands et les pires des collaborateurs, préparait tout simplement l'avenir. On peut le penser, oui. Avec ce genre de personnage, tout est possible. Et d'ailleurs, curieusement, c'est son appartenance à ce réseau de résistance qui sera à l'origine de sa dégringolade. Je ne comprends pas, ça aurait dû être le contraire, non? Eh bien non. Parce qu'on va lui mettre sur le dos, bien des années après la libération, une sombre histoire de moines torturés et liquidés par la Gestapo. Des moines résistants qui, quelques jours auparavant, avaient étrangement reçu la visite de M. Joux. Nous allons bien sûr revenir sur l'affaire de ces moines assassinés dès la reprise de mon entretien avec M. X. Mais pour ma part, j'ai voulu éclaircir ce qu'a bien pu être l'activité de résistant de Joinville-Vissy. Dans le livre de Jacques Basselon, paru chez Grancher et consacré au dossier de la Gestapo, j'ai trouvé ceci. Basselon reprend un article de France Soir de 1947 qui comptabilise en quelque sorte les bonnes actions du chiffonnier milliardaire. Ainsi, on peut lire qu'il a subvenu pendant toute l'occupation à l'entretien de 200 enfants israélites, qu'il n'aurait trafiqué sur les métaux précieux que pour pouvoir payer l'élargissement de patriotes et corrompre les Allemands, qu'il a sauvé de la déportation Madame Kempinski, le juge Marsa et d'autres, qu'il est intervenu en faveur de Geneviève de Gaulle, qu'il était en contact dès 1940 avec le chef du réseau Honneur de la Police, qu'il a affrété un bateau à La Rochelle pour organiser les passages en Angleterre, qu'il a cherché par tous les moyens à sauver l'inspecteur Gaget du peloton d'exécution, et qu'ayant échoué, il a versé une pension de 10 000 francs à sa veuve, que ses bureaux de la rue Albert-Samin ont donné asile à des parachutistes, qu'il a prêté ses camions et fourni une grande partie des armes aux insurgés de la préfecture de police, et que c'est enfin lui qui a permis que soit découvert le refuge des sinistres Bonny et Lafont. Mais il faut reconnaître que la colonne passif est au moins aussi longue et fournie. Mais nous en avons déjà parlé avec M. X, que nous retrouvons pour la dernière partie de cet entretien. Cette affaire des moines a été révélée, je vous l'ai dit, quelques années après la libération. Alors, avant d'y revenir, si vous voulez, parlons de Joanovici, de l'immédiate après-guerre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne se fait nullement discret. Ben, je crois d'ailleurs que ce n'était pas le genre du personnage. C'est juste. Difficile pour un jeune Joanovici de se faire tout petit. Non, non. Lui, il se pavane, il se sent sûr de lui. Et d'ailleurs, qui commande maintenant à la préfecture de police, ce sont les amis de son réseau. Des amis qu'il entretient grassement, des amis à qui il offre des voitures pour les besoins du service, naturellement. Oui. Et en cette période de vache maigre, ça n'a aucun prix. Ça donc il passe à travers les mailles du filet. Presque. Oh, il a bien quelques ennuis. Hein. On l'arrête. Mais ses copains flics interviennent tout de suite. Et Joanovici va même finir par être décoré pour fait de résistance. Une grande et très belle cérémonie dans la cour de la préfecture de police, en présence du préfet et de quelques personnalités. C'est pas mal, non, pour un type qui était à tuer à toi avec les gangsters de la carlingue. Ouais, ça semble quand même complètement fou, ça. Et ça dure combien de temps, cette période faste? Bah, au moins 2 ou 3 ans. Joanovici s'est acheté un hôtel particulier, boulevard Malesherbes. Le tout Paris défile. Dans le hall, on est accueilli par un grand portrait du général de Gaulle. Et la nuit, on joue au poker. Mais de grosses, très très grosses sommes. Mais comme M. Jaune ne veut pas peiner ses invités, il leur donne aussi l'argent qui leur permet de jouer. On ne fait pas plus agréable. Il cherche à les corrompre. Vous appelez ça comme vous voulez, peu importe. Mais oui, c'est toujours la même technique. Et 1947 arrive. 47, je vous le rappelle, c'est l'année où les communistes sont chassés du gouvernement. Et comme par hasard, c'est aussi l'année où Joanovici commence à avoir des ennuis sérieux. Donc vous insinuez là qu'il y a un rapport entre les deux faits. En tout cas, on peut s'interroger. Ça voudrait dire que Joanovici, en 47, a été identifié comme étant un agent communiste. Oui, enfin je le pense vraiment. Car derrière, il y a le célèbre Vibeau. Ah, encore lui, le patron de la DST. Oui, lui-même. Un homme farouchement anticommuniste. Un type qui a fait la guerre dans les services secrets à Londres et qui dispose d'informations de première main. Et dès que les ministres communistes sont débarqués, il passe à l'offensive. D'une part, il dégote une carte d'affiliation de Joanovici à la Gestapo. C'est un faux, non? Je ne crois pas, non, non. Ça ressemblait bien à Joanovici d'avoir poussé le double jeu jusque-là. Et puis il y a l'affaire des moines. Alors, racontez cette histoire des moines. Bon, je vais faire très vite. Ça s'est passé quelque part dans un couvent de Seine-et-Marne. Un couvent qui dissimulait des activités de la résistance. Une nuit, 5 hommes se présentent, 5 résistants. Et parmi eux, un homme qui ne se présente pas, mais qui ressemble beaucoup à Joanovici. Ils viennent chercher des armes. Tout se passe bien, mais je vous l'ai dit, quelques jours plus tard, les moines sont arrêtés, torturés, exécutés. Et le seul survivant, un jeune homme, est ensuite abattu par des hommes du réseau de Joanovici. Les hommes du réseau de Joanovici, je comprends pas là pourquoi. Une méprise. Mais ils l'ont pris pour un traître. Bon, de là à penser que Joanovici a voulu faire disparaître le seul témoin de sa visite au couvent. Ouais, je voudrais savoir quel est votre sentiment. Bah écoutez, pour moi, Joanovici n'était pas coupable. Enfin, cette affaire pouvait le déstabiliser pour le moins. Quand on a un pédigré comme le sien, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive. Joanovici panique, il s'enfuit, se réfugie à l'étranger. C'est le commencement de la fin. Et pour lui, c'est d'autant plus dramatique qu'il ne peut pas se défendre en disant la vérité. Il ne peut pas avouer que depuis de longues années, il est avant tout un agent soviétique. Et que c'est cela qui explique tout. Ses magouilles, ses turpitudes, ses escroqueries. Et qu'est-il arrivé ensuite? Enfin, qu'est-il arrivé à M. Jo? Oh, bah, rien n'est vraiment très simple avec un tel personnage. Joanovici rentre en France. Il se livre. On le juge non pas pour le meurtre du jeune résistant, mais pour collaboration économique. Et contre toute attente, malgré sa qualité de résistant, Joanovici est condamné à quelques années de prison. C'est terminé pour lui. Joanovici, qui n'a plus aucune utilité pour ses employeurs, sombre peu à peu dans l'oubli. Et il retournera finalement à Clichy, là où il a commencé, comme chiffonnier, pour y mourir. Sur l'infiltration que Joanovici avait réussi à la préfecture de police, j'ai trouvé un témoignage intéressant, un peu partial, certes, car il s'agit du témoignage du patron de la DST, Roger Vibeau, qui vouait à Joanovici une haine certaine. Voici ce que Vibo raconte dans son livre de mémoire « Bataille pour la DST ». Dans tous ses déplacements, Joinovici était protégé par une véritable garde prétorienne. Les entrées de son hôtel particulier, ses bureaux de l'avenue de Messine, les domiciles de ses lieutenants bénéficiaient de l'évidente protection d'hommes que mes services identifièrent peu à peu comme appartenant presque tous à la préfecture de police. Les hommes de la PP, qui assuraient le service d'ordre du ferrailleur, ne se contentèrent pas d'une protection passive. À plusieurs reprises, les inspecteurs de la DST furent dissuadés de s'intéresser de trop près aux allées et venues de Joinovici. Un dernier mot sur la thèse de M. X, Joinovici, agent soviétique. L'historien Philippe Robrieux, un des meilleurs spécialistes du Parti communiste, laisse entendre lui aussi que Joinovici était un agent soviétique et qu'il n'a jamais cessé d'être lié au Comintern, même à l'époque où il fréquentait assidûment les hommes de la Gestapo. Mais peut-être que l'ouverture progressive des archives soviétiques nous en apprendra plus un jour ou l'autre. À samedi prochain.